L'Association britannique d'études de la politique de Sun-gun a présenté dans la homepage d'Internet un article titré « Grand programme de valeur pour la réunification ». Elle a noté que l'œuvre classique de son excellence M. Kim Jong-il, appliquant à fond les recommandations du camarade Kim Il-sung, grand leader en matière de réunification du pays, est un grand programme de valeur pour la réunification, empreint de sa foi et de sa volonté pour donner la patrie réunifiée à tous les Coréens.